Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Guy Moffett, l'homme de radio, passeur de poésie, de chansons et de rêves. Guy Moffett, vous avez lu le roman, vous avez lu la nouvelle, qu'est-ce que vous en pensez? Mais j'en suis amoureux. Il dit, comment d'abord te représentes-tu l'avare et quelle voix entends-tu quand tu entends parler l'avare? Je dis, monsieur Grignon, pour moi, la voix de l'avare, c'est une terrine de lait bleu surie au soleil avec des mouches dedans. Alors là, monsieur Grignon éclate. Je me suis dit, ça y est, j'ai manqué la série. Mais non, il était content. Il dit, baptême, tu l'as! Homme de tous les talents, Guy Moffett sera le premier à adapter à la radio Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon. Réalisateur, comédien, auteur, poète, animateur, c'est avec le cabaret du soir qui penche que Guy Moffett atteindra le sommet de son art. Et c'est à cet homme de radio que nous levons aujourd'hui notre chapeau. En fait, la petite fleur, qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, la petite fleur, ben, elle a été créée par un noir. C'est déjà beaucoup. La petite fleur, ben, mon Dieu, je pense bien que c'est ce qui nous fait soupirer depuis toujours. C'est le paradis perdu. Parce qu'au cabaret, en fait, il y avait de la musique classique, de la chanson populaire, de la chanson française, parfois de la chanson américaine, parfois de la chanson allemande. Il y avait des airs russes, il y avait de la poésie, il y avait... Mais on n'en finirait pas de faire la liste de tout ce qu'il arrivait à faire se côtoyer sans que ça paraisse hétéroclite. Et puis aussi, il abordait tout sans snobisme. Jamais de snobisme. Et à une certaine époque, ce qui venait de la France était bien, ce qui venait du Québec, c'était moins bien. Lui, il n'a jamais été là-dedans. Le cabaret du soir qui penche. Hello, you out there. This is a night falling cabaret. Au microphone, l'oiseau de nuit. At the microphone, the night bird. Petite fleur de Sidney Bechet que vous reconnaissez peut-être, cette musique d'ouverture du cabaret du soir qui penche et puis cette voix de Guy Moffett. Pour nous raconter ce grand de la radio d'ici, mon collègue animateur Joël Lebigot, bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire, Joël. Merci, Jacques. Cette musique-là, cette émission, le cabaret du soir qui penche, dont parlait d'ailleurs celle qui a été assistante des années et des années, Solange Lévesque, de Guy Moffett. Pour vous, Joël Lebigot, qu'est-ce que ça évoque quand vous réécoutez ça? Écoutez, je l'entends et c'est la même mélancolie, c'est la même tristesse, c'est la même joie que lorsque j'avais 13 ans ou 14 ans et qu'à 14 ans, on ne sait pas où on va, ni ce qu'on va faire, ni où on est perdu, où quelqu'un te propose de passer quelques heures où on peut échapper à la réalité, où on peut s'envoler, on peut faire comme lui, on peut faire comme ce qu'il propose, c'est-à-dire ce n'est plus maintenant, c'est quelque part ailleurs. Oui. Et quand il dit de Claude-Henri Grignon, quand il dit Séraphin, il est comme ça, il disait un jour à Françoise Fauché, il faut que tu le joues un peu plus mauve. Voyez-vous? Alors on entrait dans un monde qui était totalement inconnu pour des enfants, c'était le monde de la poésie. Exactement. Et ça a été pour nous, pour moi. Moi je l'ai su beaucoup plus tard que cette chose-là avait eu une telle importance. Parce qu'on ne le sait pas au moment même, on l'écoute. Et puis on se dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais on ne se rend compte même pas que c'est de la radio. On a 14 ans, on ne sait pas ce que c'est que la radio ou la télévision. On écoute et puis tout d'un coup, on découvre Ferré, puis Baudelaire, puis Strauss, ouais. comme disait la jeune femme tout à l'heure. Toutes les musiques, sauf la musique à la mode. Parce qu'il n'y avait pas de Beatles, il n'y avait pas d'Elvis Presley. Pourtant, c'est l'époque, la grande époque d'Elvis et des Beatles. Mais lui, c'était autre chose. Et c'est top. Je disais, j'ai intitulé cette émission « L'homme de radio passeur », passeur de poésie, de chansons, de rêves. C'est ça qu'il fait, moi, en fait. Ben, c'est la transmission, la curiosité. Et en même temps c'est lui-même est de la poésie. Ouais. Hein, et il ne voit les choses qu'à travers un filtre de poésie. Il ne voit pas les choses dans la réalité. Et c'est peut-être ce qui fait le plus plaisir aux jeunes garçons ou aux garçons ou aux filles de ce temps-là. Ils traversent la réalité pour voir autre chose. Parce qu'à 14, 15 ans, la réalité, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas très belle. Elle n'est pas facile non plus. Et tout d'un coup, il dit, mais voyez-vous, il y a un pays où les choses sont belles. Il y a des fleurs qui poussent ailleurs qu'ici. Alors donc, tout ça, c'est une ouverture. Et c'est la liberté qu'il nous propose. Et en même temps, la connaissance des mots, la connaissance connaissance de la poésie. Et plus tard, tu te rends compte que c'est ça qui a fait que la radio est devenue quelque chose de faisable. Qu'est-ce qu'il apporte à la radio? Radio ouverte, en tout cas, certainement. Vous dites ouverte sur le monde. Oui. Radio parler? Une radio libérée. Libérée. C'est-à-dire que n'oubliez pas que la radio de ce temps-là, c'est une radio très contrainte. Hein. Les gens écrivent des textes. Ce sont des comédiens qui viennent du monde de l'éducation, qui viennent du monde du théâtre. Il n'y a pas d'improvisation. Ça n'existe pas, l'improvisation à la radio, et ce n'est pas recommandé. Alors, c'est un monde... Et Moffett n'est pas dans l'esprit des autres. Les autres, c'est la belle grosse voix qui lit de beaux gros textes. Et c'est formidable. C'est d'une grande beauté. Hein. C'est très élégant. C'est très musical. Et tout d'un coup, Moffett dit « Oui, mais... » Ouais. Il y a quand même, là, dans le petit éclair du soleil que j'ai vu sur ton soulier, une abeille. Alors voilà, tout d'un coup, on est dans un autre monde et on n'est plus dans le monde contraint. On se dit, tiens, il y a donc liberté de penser et liberté de dire, là, où tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est ça qu'apporte Moffett. Il apporte toute la liberté de la poésie. Il raconte, il fait rêver. En même temps, ce n'est pas écrit, probablement pas. C'est très préparé, en revanche. Écoutez, à un moment donné, d'ailleurs, c'est Blondin qui lui pose la question et lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui vous a stimulé à chaque émission? Qu'est-ce qui a fait que vous avez été, d'après nous, bon à chaque émission? Il dit la peur. Alors, la peur d'être mauvais, la peur d'être suspendu en l'air et de ne pas pouvoir se raccrocher, comme c'était en direct. Alors donc, il était très préparé. On pense qu'il improvisait cette poésie, pas du tout. Il écrivait, il préparait les disques. Probablement qu'à un certain moment donné, il s'en allait ailleurs, où il pensait à une chose. Pas comme le jazz. Mais en général, il était préparé. Ouais. Oui. Bon, qui écoute ça, à part Joël de Bigot, ce jeune garçon, parce que c'est le dimanche soir, cette grande émission mythique, donc le cabaret du soir qui penche, à la télé qui existe à ce moment-là, c'est l'heure des quilles, Joël de Bigot. Oh, l'heure des quilles. Ben, l'heure des quilles, pour moi, c'est un moment sombre de ma vie. Mais qui écoute Justement, plutôt mes frères, Moffett. Moi, d'autres, des gens qui font de la chanson. N'oubliez pas qu'à 14 ans, on découvre la chanson. Vigneault arrive, Leclerc est arrivé, Brassens est arrivé, Brel, Ferré, tout ça. La poésie arrive. Après la guerre, il y a eu une grande volonté française de s'ouvrir à quelque chose de beau, de comprendre, d'écouter Prévert, Paul Éluard. Et il y avait des disques qu'on recevait avec des comédiens français, Jean Chevrier, qui racontaient ou qui disaient de la poésie. On a reçu des disques où on entendait des poèmes de l'autre Tréhamon, de Baudelaire. Tout d'un coup, après-guerre, toutes sortes de choses nous sont révélées qui sont la période donc de la grande liberté de penser de l'après-guerre. Alors, Moffett arrive avec son affaire différente des autres. Et puis là, ça se dit vite, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'écoute Moffett le dimanche soir. Et puis, c'est un refuge. Hein, c'est un moment où on est enfermé avec ses écouteurs, avec son petit casque d'écoute ou avec sa petite patente dans l'oreille, parce que c'est encore la radio cristal, j'en sais rien. Je me souviens même pas comment on l'écoutait. Et le trait d'union entre le week-end et le retour à la dure réalité, c'est un peu ça, le dimanche soir, ce moment... Je sais pas trop si c'est ça, si c'est question de week-end. Moi, je sais que j'étais obligé de faire des hot-dogs pour mes frères qui regardaient l'heure d'équipe, ça m'énervait, et j'avais tellement hâte de m'en aller. En fin de compte, dans mon cas, moi, j'avais envie de fuir, j'avais envie de m'en aller. J'avais envie d'échapper à ce qu'était notre monde à cet âge-là. Et tout d'un coup, pendant quelques heures, quelqu'un disait, il y a dans un cabaret un gars à côté d'un bar, il y avait le barman qui était le technicien, et il prend son verre et il se permet d'être triste, d'être mélancolique et de rêver à autre chose qu'à ce qu'il y a maintenant. Et avec... cette voix, mot sur cette voix, c'est quand même important, les voix à la radio. Et vous la comprenez que cette voix, c'est une voix qui dit la vérité. Ce n'est pas une voix qui fabrique, ce n'est pas une voix qui est contrainte par l'obligation de lire la nouvelle de telle façon. C'est quelqu'un qui joue avec le microphone, qui sait s'en éloigner. C'est quelqu'un qui peut tout d'un coup dire, bien, j'arrive, et puis il s'éloigne du microphone et il finit par arriver comme ça et par dire, le cabaret du soir qui... Et là, bah, t'es là. T'es avec lui. Je crois qu'il a compris combien il était possible de s'approcher de quelqu'un, de s'approcher d'un auditeur, d'une auditrice, et de lui dire « Rassure-toi, je suis là quelques heures ». La chanson, Joël, on y revient, elle sera centrale dans la carrière de Guy Moffett. Il aime la chanson, il aime transmettre l'amour de la chanson. On l'écoute nous en parler en 1965. Si les bateaux que nous avons bâtis prennent la mer avant que je revienne, cargue ta voile... Vous me demandez ce qu'est pour moi la chanson. je vous répondrai que c'est un sujet qui me possède trop pour que je puisse en parler. Il faut que je cherche, parce que pour moi, rien n'est évident, surtout pas ce qui est visible. C'est la mer qui efface sur le sable les pas des amants. Et c'est là-haut une pointe d'étoile qui m'égratigne l'œil. La chanson, si je voulais pasticher Vigneault, je dirais que ma chanson n'est pas une chanson. C'est de la peine et c'est de la colère. Et c'est une soif, une faim d'amour et de justice. La chanson, pour moi, c'est mon pain quotidien. La chanson, la plus belle en tout cas, c'est celle que l'homme pousse alors qu'il ne s'en aperçoit pas. La belle aventure n'était que rêve et qu'imposture. Évoque-les. La chanson, Joël Lebigot, quelle importance elle aura pour Guy Moffett et quelle importance Guy Moffett aura chanson. Oui. Je pense qu'il n'a pas dû être très content quand il a entendu Gainsbourg dire que la chanson était un art mineur. Je crois que Gainsbourg était un homme de boutade et je suis sûr qu'il ne le croyait pas, surtout quand il a traité son ami Béard de blaireau. je crois que Moffett savait bien, d'ailleurs tout ce que vous venez d'entendre de Guy Moffett est écrit, on le sent bien. Ouais. Mais on sent ses bras, on sent sa main qui va en l'air. Il joue, il est toujours même en train de jouer. Sont absolument. Ouais. Tout est écrit, tout est bien écrit. Mais en même temps, il se recule, il s'ébrase. On le voit toujours avec ce sourire et le bras en l'air, comme s'il se passait quelque chose. C'est un homme de théâtre aussi. Et puis, ce qu'il a été pour la chanson, eh bien, écoutez, je ne sais pas comment on aurait connu la chanson si Moffett n'avait pas été là. Il n'y avait pas d'émission de chansons à la radio. Les stations de chansons, les stations comme CKAC, CKVL, Radio-Canada, faisaient de la chansonnette française. Ça s'appelait de la chansonnette française. Alors, c'était du Piaf, André Claveau, mais la chanson à texte, celle qui est plus compliquée, celle que lui connaissait par Leclerc déjà depuis un certain temps, eh bien, sans lui, on n'aurait pas connu. Et Leclerc, comme on l'a déjà dit, comme Pierre Perrault, quand il a parlé des gens de l'île aux Coudres, il était fortement méprisé par un certain nombre de faux intellectuels. Alors, s'il n'y avait pas eu Moffett, on n'aurait pas connu. On aurait eu Le Petit Bonheur et puis Moi, mes souliers, mais on n'aurait rien eu d'autre. Ouais. Donc, chanson québécoise, chanson française. Chanson. La chanson. La belle chanson. Et même la chanson légère. Même la chanson qui fait simplement sourire. Celle qui rend un peu joyeux pendant quelques minutes. Une chansonnette aurait pu être aussi dans le cabaret. Ouais. Parliez de Félix. Ça a été une rencontre importante, une grande amitié. Ben, je pense qu'ils étaient parents en plus. Je crois qu'il était marié ou avec sa sœur ou sa sœur. Enfin, ils étaient parents aussi. On écoute Guy Moffett en parler de son ami Félix le jour même de la mort de Félix, le 9 août 1988. Des yeux bruns pour le jour, des yeux verts pour l'amour, ton visage. Bon, ben, je vais essayer de mettre les mots ensemble. J'ai le cœur en compote. Comme on dit en Bas-Canada, en dedans, ça bardasse. Ah, Félix, c'est la plus grande amitié que j'ai sur Terre. Un frère, bien sûr, un parent, un grand compagnon de travail. Il était capable de me faire de grandes joies, aussi de la peine. J'ai eu les deux. Mais pour moi, il est toujours vivant. Il n'y a rien de changé. Il faut continuer. Hier soir, je lui ai parlé à 8h30, une bonne demi-heure. J'ai parlé à Gaétan. Je l'ai entendu qui criait dans le jardin, « Tilou, c'est Guy Moffett. » J'ai dit « Non !» Et puis il était joyeux, puis tout en blague, on a rigolé. Puis on devait se voir en septembre prochain. Mais il dit, parce que lui, c'était jamais tout de suite. Il dit « Attends encore un peu la rentrée des classes. » Puis il dit « Tu viens à Québec, tu viens à bonne heure. » Puis on va parler toute la journée, puis jusqu'à temps que l'un de nous deux tombe. Et là, t'aimes la radio, hein? On aime la radio. Ah. On imagine, imaginez ces rencontres jusqu'à plus fin, entre ces deux géants, Moffett et Leclerc. Imaginez-les assis l'un avec l'autre, en train de fumer une cigarette ou une pipe et ne pas parler aussi. Ouais. Ça doit être deux rêveurs devant un arbre qui change de couleur avec le ciel qui arrive le soir. Et vous avez entendu, vous avez bien choisi la chanson de Ferland au départ. Félix avait chanté les chansons des autres, il a chanté du Beau Dommage. Et puis vous avez entendu la voix extraordinairement profonde et malheureuse du début. Puis après ça, l'extrait où il raconte qu'ils vont se voir le soir. Ouais. C'est extraordinaire. Où il interprète. Il joue, mais regardez bien qu'on est en 1959, 60, 60, j'en sais, ça n'a pas d'importance là. Ça n'a pas changé. Mm-hmm. Le microphone est là, mm-hmm. tout seul. Mm-hmm. Vous pouvez vous amuser à la même chose. On ne peut pas être Moffett ni Languirand, mais on peut être autre chose. On peut être ce que l'on est. Et encore une fois, dans un studio, proposer que ce soir, on passe quelques petits moments ensemble. C'est encore là, ça n'a pas changé, ça. Ça a été quoi, cette relation, cette amitié? Qu'est-ce qu'ils ont été l'un pour l'autre, Félix et Guy Moffett? Oh ben, je pense que sans Moffett, on n'aurait presque rien entendu, rien su de Félix. C'était quelque chose. Félix faisait du théâtre aussi. Ses pièces étaient refusées assez souvent. Il y avait une... Et c'est pas pour rien que Félix est parti en France. C'est parce qu'ici, c'était pas possible. Faut vous imaginer ce qu'était le Québec en 1959, où Prévert était interdit, où Baudelaire était à l'index. Il fallait aller se cacher chez Henri Tranquille ouais. pour s'acheter des livres. On oublie que le Québec de ces années-là, et c'est pas seulement Duplessis, c'est la religion, c'est le cardinal Léger qui interdisait le film en plein air. Enfin, c'était un endroit fermé, complètement fermé. Et tout ce que nous donnait Moffett, c'était le contraire. Mmh. Tout d'un coup, on avait le droit de lire, on avait le droit d'entendre de la poésie, on avait le droit de rêver comme lui à d'autres choses que ce truc fermé. On était dans les villages, on avait un petit café, nous, dans un village où, évidemment, on faisait des choses terribles, on jouait aux échecs, puis on fumait des gitanes, et puis on prenait de l'espresso. Eh bien, ils l'ont fermé. Ouais. Tu comprends? Le maire l'a fermé, la police l'a fermé. Faut vous imaginer. Alors, regardez ça, et dites-vous que le dimanche soir, tout d'un coup, on peut entendre Vigneault qui chante « Si les bateaux que nous avons choisis prennent la mer ». Alors, voilà. Ils nous ont donné le monde. Et Félix, de la même façon, quand il fait « Moi, mes souliers », quand il fait « Notre sentier », qui est sa plus belle chanson, « Notre sentier près du ruisseau est déchiré par les labours ». Mais c'est extraordinaire. Ouais. Comment a-t-on écrit ça? Alors, Moffett le comprenait. Et il savait donc le faire arriver pour nous. Un dernier extrait avant de terminer cette émission. Louis Moffett, le fils de Guy Moffett, qui parle de son père. Un extrait qui est tiré du film « L'oiseau de nuit », car c'était, on ne l'a pas dit, mais c'était « L'oiseau de nuit mm-hmm. » Guy Moffett, film réalisé par Raymond Saint-Jean en 2006. C'était un amoureux de la terre, mais c'était pas un terrien. C'est pour ça qu'il vivait au-dessus des nuages, ça c'est sûr et certain. En même temps, il avait un regard extrêmement puissant face à la vie, face aux petites choses de la vie, face au quotidien. Mais en même temps, son regard était pas... C'était pas une personne grounded, mon père. C'était pas un gars qui avait les pieds sur terre. C'était un clown épouvantable. Mais en même temps, c'était très... C'était un clown troublé par l'existence. Il avait du mal à vivre. Il était fatigué de la vie. On dirait qu'il avait une espèce de fatigue émotive. Ce qui fait que des fois, c'était comme la roulette russe. Des fois, c'était extraordinairement joyeux. C'était comme un feu d'artifice. Mais il jouait avec la réalité. Il transformait la réalité tout le temps dans le quotidien. Ce qui fait que pour nous, des fois, on avait besoin d'avoir quelque chose de plus straight, comme éducation, quelque part. Mais avec lui, c'était pas straight. C'est pas vivre avec un funambule. Voilà. C'est pas facile. Pas facile. Ça doit être difficile. Formidable. Je reviens à ce que vous disiez au tout début. Vous-même, jeune garçon de 12, 13, 14 mm-hmm. ans, qui se reconnaît dans cet univers onirique. Formidable pour le petit Louis, pour ses frères et sœurs, mais en même temps, pas facile. Plus facile pour moi que pour eux. À la fin de sa vie, lorsqu'il y a eu cette fête qu'Alain Stanké avait organisée, j'ai pu le rencontrer là pendant quelques minutes, parce qu'avant, je l'avais vu quelques minutes. Mais bon, j'étais un étranger, mais je crois qu'il savait que je l'aimais. Mmh. Pas cet homme-là, mais ce que cet homme-là m'avait donné. Et à la fin, j'ai eu cette chance de pouvoir dire un petit mot et de lui dire, vous ne pouvez pas le savoir. Peut-être le savez-vous, mais vous ne pouvez pas le savoir. Ce que vous avez fait à toute une génération de gens qui ont pu échapper à la vie à cause de vous et à cause du cabaret du soir qui penche. Ne serait-ce que le titre, ne serait-ce que la musique, et puis ce Nightbird en français et en anglais, avec les difficultés que ça a causé, hein, parce qu'il est évident qu'il s'est retrouvé, Guy, comme plusieurs comédiens, plusieurs personnes, dans le conflit de ce pays qui était en train de changer, ouais, à travers un nationalisme qui s'exprimait, où tout le monde, où on demandait à tout le monde de se brancher à droite ou à gauche, etc. Et ça, ça a été une période difficile, sûrement pour lui. Je crois qu'il était déjà dans un monde plus souriant. Ça a été difficile, de fait, l'après, parce qu'il va rester un petit peu encore, mais l'après Cabaret du soir qui penche pour lui? Je crois que oui, mais ça, je ne peux pas vraiment, moi, en parler, parce que c'est une période où je ne le connaissais que peu, je le fréquentais pas, mais je crois que ça a été une période... On a l'impression que un certain nombre de gens ont été isolés. On s'est fermé. C'est pas pour rien qu'Albert Miller est parti jouer en Ontario, que Jean Gascon est parti jouer en Ontario. Il y avait une obligation de branchisme. Ouais. Je me souviens de Gérard Bergeron, le politologue, qui disait « Arrêtez d'obliger les gens à être ou indépendantistes ou fédéralistes, c'est plus compliqué que ça. » Alors là, il y a eu un grand moment de flou, un grand moment où on a, pour beaucoup, pour nous c'était facile, mais pour les gens qui avaient construit depuis 1920-1930, leur idée d'un pays ou leur idée de ce qu'était l'avenir de leur pays sous une autre forme, c'était complètement déséquilibrant. Ouais. Alors, je pense qu'il a été assez malheureux à ces moments-là. Tout jeune animateur, on termine l'émission sur cette note. Joël Le Bigot, vous êtes ici, vous êtes tout jeune animateur. Guy Moffett est encore là. Oui. Vous êtes toute une bande. Il y a comme cette... C'est un moment de charnière, hein, où il y a comme deux générations qui se croisent. Mais c'est que ça, vous vous croisez. Avec le recul du temps, ça vous a laissé quoi, Moffett et les autres, dans votre manière de faire de la radio, d'abord, vous et les autres, de votre génération? D'abord, j'ai compris très tard, beaucoup plus tard, combien cette chose-là avait été majeure dans ma vie. On ne sait pas toujours ce qui change notre vie. Et tout d'un coup, au bout de 20 ou 25 ans, tu dis, ben voilà, ça vient de là. Pourquoi est-ce que je me retrouve derrière un microphone? Pourquoi est-ce que je quitte la télévision après 5 ou 6 ans dans les années 70 pour revenir à la radio? Eh bien, parce que cette chose-là s'est inscrite en moi. Ce contact-là possible entre deux personnes qui, pour moi, est très difficile dans la vie normale, je peux le faire à la radio. Et puis, Languirand, qui est plus jeune, plus vieux que moi, mais plus jeune que Moffett, a lui aussi été marqué par cette chose-là. On n'a pas essayé d'être Moffett, bien sûr, mais quoi qu'on essaye quand même. Et Languirand a dit « j'ai essayé ». Mais j'étais pas capable, alors j'ai été Languirand. Ouais. Alors, je ne suis pas aussi amusante, prétentieux que Languirand, qui ne l'est pas du tout, mais je dirais la même chose. Ce que ça nous a permis de croire, c'est qu'on pouvait faire de la radio. On pouvait causer dans un microphone et faire quelque chose avec quelqu'un qui écoute quelque part et qui en a peut-être besoin. C'est ça que ça nous a donné. Et vous continuez de le faire et j'ai eu la chance de pouvoir lui dire, en plus, quand on s'est vu. Alors, pour moi, c'était une joie énorme de pouvoir lui dire merci. Merci à vous, Joël Le Bigot, collègue animateur de l'émission Ça ne dit rien d'autre. Un vrai plaisir de vous recevoir. Merci, Joël. Merci, Jean. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.